d'autres questionnements, d'autres thèmes, disons, plus restreints et plus centrés sur les sciences sociales, qu'on voit émerger dans les débats du comité, auraient pu venir en concurrence avec ce paradigme un peu anthropobiologique. Mais en fait, on a préféré les raccrocher comme des objectifs complémentaires. J'en retiendrai deux, l'étude du monde rural et l'analyse des formes du changement. Ces thèmes de recherche, qui peuvent paraître aujourd'hui d'une affligeante banalité, étaient relativement neufs à l'époque dans le paysage français des sciences sociales. La sociologie rurale, qui était déjà florissante, par exemple, aux États-Unis, dans l'entre-deux-guerres, avec les travaux de l'école de Chicago, restait balbutiante en France, où le monde paysan, assimilé à l'archaïsme et au poids des traditions, était abandonné aux collectes nostalgiques des folkloristes. Or, au moment où délibérait le CADES, les paysans en colère, qui édifiaient les barrages sur les routes et assiégeaient les préfectures, en particulier en Bretagne, transformaient la question du monde rural en problème brûlant et digne d'intéresser le sociologue. Et pour faire prendre en compte par les sciences sociales l'actualité du problème rural, cette commune du Sud Finistère, choisie pour son particularisme génétique, mais située au cœur de la région la plus touchée par l'agitation paysanne, offrait la possibilité d'une sorte d'étude en laboratoire. L'étude du changement social comme phénomène global, sous-tendu par les transformations économiques et techniques, était dans l'air du temps, en revanche. Issu de l'esprit de reconstruction de l'après-guerre, qui avait popularisé de l'économie à l'histoire sociale, en passant par la démographie, un paradigme hybride de la croissance ou l'économisme progressiste du marxisme, très influent dans les modes intellectuels, rejoignait les théories du développement, comme celle de Rostov, qui est au contraire très anti-marxiste. Or, tout ça s'est trouvé appuyé par la présence au sein du CADES de George Friedman, qui était un des grands sociologues de l'époque, grand spécialiste de la sociologie, de l'étude du milieu technique. Et c'est sans doute lui qui a beaucoup contribué à imposer un pôle de recherche sur les mécanismes de réception et de diffusion de l'innovation technique. Mais le climat social aussi de l'époque avait sa part. Au moment même où le CADES délibérait, une puissante mutation de l'économie française accélérait l'exode rural et faisait surgir à la périphérie des villes des forêts de grands ensembles anonymes, suscitant de nouvelles formes de consommation, de nouveaux désirs de bien-être et en même temps de nouvelles frustrations comme celles qui s'exprimaient dans la colère paysanne. Donc, les formes chaotiques que prenait le changement social invitaient à s'interroger sur sa nature. Il est clair que la DGRST souhaitait encourager en priorité dans les sciences humaines, comme l'indiquait l'intitulé du comité chargé de décider les actions, des recherches susceptibles d'éclairer et d'orienter le processus de modernisation. Donc, il cherchait plutôt à l'éclairer, qu'à le critiquer ou à saisir ses contradictions. L'étude du monde rural et celle des rapports entre innovation technique et changement social, qui ont tenu une place importante dans les objectifs de départ de l'enquête, s'apparentent à cette conception des sciences sociales comme savoir expert, capable d'éclairer directement l'action gouvernementale. Et les études de géographie dirigées par Maurice Lelanoux, par exemple, entraient dans le même cadre. D'autres thèmes, en revanche, se sont imposés tardivement ou marginalement parce qu'ils se prêtaient moins bien à cette fonction d'expertise. D'abord, c'est l'étude de la modernité en elle-même comme expérience. Ou bien on l'étudie comme un phénomène qui nous traverse, c'est la modernisation, et c'est bien sûr ce qu'attendait ce comité, ou bien on l'étudie comme un problème qui à la fois nous tente, nous frustre, nous transforme. Donc, cette sorte de regard critique sur la modernité qui est maintenant au contraire très à la mode et qui était à l'époque balbutiant. Or, ce deuxième regard ne s'ajoutait que plus tard, quand Edgar Morin est arrivé avec son équipe. Et puis, curieusement, absence d'études historiques qui auraient dû, si bien que au départ, plutôt chaque enquête a fait sa petite histoire de Plaisévêt, parce qu'il n'y avait pas eu véritablement une exploration du passé économique, politique de la commune. Et finalement, ils ont demandé une étude d'histoire économique et sociale depuis la Révolution à Nicole Mathieu, qui a fait un excellent travail de mise en place dans le style de l'histoire quantitative, c'est-à-dire utilisant beaucoup les statistiques qui se faisaient à l'époque, qui a été inspirée par l'œuvre d'Ernest Labrousse. Et puis ensuite, se sont ajoutés, mais très tard, c'est au moment où moi-même je venais à l'enquête, j'entrais dans l'enquête, des études d'histoire politique, d'histoire culturelle, etc. Et donc, l'engagement tardif des historiens ne présentait pas forcément que des inconvénients, parce que, au lieu de se lancer dans une reconstitution globale qui aurait pu prendre la forme d'un tableau historique passe-partout, les historiens, du coup, éclairés par les enquêtes qu'ils avaient déjà faites, par les problèmes soulevés, par les autres recherches, mais non résolues, trouvaient ici des pistes pour aller plus loin. Mais on peut penser aussi que la décision du CADES de confier le travail de synthèse de l'enquête à un historien était peut-être un geste de réparation contre cet oubli des premiers temps. Dans la composition du comité, bien sûr, on avait veillé à retrouver tout l'éventail des disciplines concernées par le point de vue des sciences sociales, mais en choisissant exclusivement des spécialistes français. Là, c'était encore à une époque où tous devaient faire en France et à la française. Maintenant, c'est une chose qui serait impossible. Je pense que pour diriger, pour évaluer, il faut faire appel nécessairement, au contraire, aussi à des regards étrangers. Et après une brève période de bonne volonté interdisciplinaire, les sages ont eu tendance aussi à se considérer surtout comme des chargés d'intérêt de leur discipline, voire des fois de leur laboratoire. Et les relations verticales entre les chercheurs sur le terrain et le baron de la discipline qui siégeait au CADES, finalement, prirent le pas sur les relations horizontales au sein du CADES aussi et sur le terrain qui auraient pu permettre le débat et la circulation de l'information et le débat interdisciplinaire. Enfin, il faut souligner un des traits de la centralisation française, très gaulliste d'ailleurs à l'époque, qui fait que c'est l'enquête dirigée de Paris a été confiée à des centres et à des chercheurs majoritairement parisiens et le plus souvent extérieurs à la Bretagne. Bien sûr, les recherches de géographie étaient dirigées par Maurice Lelanou, qui est breton, mais comme il était professeur à Lyon, il s'est entouré de Lyonnais. Et mis à part l'étude de la nosologie qui sollicita la collaboration des médecins locaux, la nosologie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution des types de pathologies, les recherches anthropologiques et médicales furent confiées cependant à des équipes parisiennes. Parmi les sociologues, il y a eu un grand nombre d'enquêtes de sociologie différentes, Edgar Morin, dont la recherche fut engagée longtemps après les autres, fut le seul à prendre contact avec l'Université de Rennes pour recruter des collaborateurs. Et je dirais que mon propre recrutement pour faire la synthèse illustre parfaitement le peu d'attention à la dimension bretonne. Non seulement parce que je ne suis pas breton, mais ça, ce n'était pas nécessairement une nécessité, mais c'était même la première fois que je mettais les pieds en Bretagne et j'ai été émerveillé de découvrir un pays que je trouvais extraordinairement exotique, que je continue à trouver très exotique d'ailleurs, parce que c'était pour moi une découverte. Et cette extériorité au terrain comportait certains avantages. Celui d'abord de préserver les chercheurs de l'enchantement et de l'engagement régionaliste. Ce n'était pas spécifiquement les problèmes de la Bretagne que l'enquête était venue d'étudier, mais ceux d'une commune française, ceux de la France, et même plus largement des problèmes généraux de l'humanité. Et il fallait que tout ceci ait sa place. Et si le terrain présenter certains traits de singularité imputables à la Bretagne, mieux valait le découvrir que comme un sujet d'étonnement que de le décréter au départ. Mais ceci comportait au moins un handicap que les chercheurs n'ont pas tardé à rencontrer, c'est celui de la langue. Mis à part Donatien Laurent, qui était un spécialiste de la chanson et de la langue bretonne, qui était donc un celtisan, dans la tradition, donc une des traditions folkloristes de la France, pratiquement aucun chercheur ne connaissait le breton. Or, à Pleusévette, à l'époque, commune de la Bretagne bretonnante, on s'est vite rendu compte que la majorité de la population utiliser encore le breton dans le quotidien du travail, dans les relations d'amitié. C'était la langue dans laquelle on aimait plaisanter, mais aussi dire le fond de sa pensée. Et certains parmi les plus âgés, j'en ai connu plusieurs, ne parlaient que le breton. Comme Tante Thérèse, qui invitait tout le monde à venir prendre un verre de rouge et regarder la télé vers 5 heures du soir, et qui, effectivement, ne parlait très mal quelques mots de français. Était adoré de tous les chercheurs pour son hospitalité. Pour les chercheurs pratiquant l'enquête par interview ou par questionnaire ouvert, l'ignorance du breton limitait la capacité d'exploration et on peut dire le pouvoir maïeutique de l'entretien. Et pour les gérontologues, par exemple, donc qui devaient étudier le vieillissement et qui se proposaient d'étudier les formes psychologiques du vieillissement, qui voulait s'intéresser à l'évolution du sommeil, des rêves, etc., elle a réduit l'examen à une visite médicale de routine. Alors, on peut interpréter l'imprévision des organisateurs de l'enquête à propos du breton comme un peu l'expression du jacobinisme français, mais certainement pas comme une indifférence au problème du terrain. On a ignoré le problème de la langue, mais on a au contraire, dès le début, l'enquête a été angoissée par les problèmes du terrain.